Alors nous, on a commencé par le travail, on n'a pas fait grand-chose. Enfin, on a fait la répression dans le cadre du travail, je vous le dis à la toute fin, mais on n'a pas fait la répression des Robocop, etc. Donc on a fait... On se demandait aussi, du coup, genre, avec les Gilets jaunes, comment ça avait commencé. Ça ne parlait pas tellement de travail au début, mais vraiment de pouvoir d'achat, pas tellement des conditions de travail, etc. Puis il y avait un rejet des syndicats. Mais quand même, à un moment, comme c'était ce truc de on ne veut pas de primes, on veut que le SMIC augmente, ça voulait quand même dire que le travail ne payait pas assez. Mais il n'y a pas eu vraiment... Enfin, nous, on a eu des choses sur lesquelles on aurait aimé continuer à discuter, mais pas que le mouvement Gilets jaunes a déjà abordé vraiment. Entre autres, le sens du travail et le travail inutile, voire nuisible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et peut-être que c'est pour ça qu'on n'en parle pas encore beaucoup de travail chez les Gilets jaunes, parce que peut-être que le travail est trop pourri pour avoir envie d'en parler. On a parlé aussi du contexte de guerre économique au niveau de, à propos des grèves, parce que les entreprises étaient très totalitaires. Là, c'est vraiment pas un espace de démocratie où on n'a plus le droit de parole, il y a le secret des affaires, il n'y a plus de liberté d'expression, enfin, on ne peut rien dire. Et on risque, vu qu'on est en précarité, on risque plus facilement aussi de se faire virer. Il y a quelqu'un qui a parlé de l'autocensure, même par exemple sur les réseaux sociaux dès maintenant, par rapport à une... Enfin, dans une peur d'une répression future, de on viendrait se renseigner sur nous et on ne sait pas quelle trace on laisse et tout ça. Et on a parlé aussi... Oui, que dans le contexte de guerre économique, que la grève était difficile... On se demandait si ce n'était pas le blocage pour le 21e siècle qui allait régler les choses. Et entre autres, enfin moi je racontais ça à ce niveau-là, que quand on ne peut pas faire grève mais que les marchandises n'arrivent pas, du coup on ne peut pas bosser, ben c'est plus facile de se mettre en grève quand de toute façon on ne pouvait pas bosser. Enfin, bref, enfin, d'un coup, il y a une émulation qui se met plus facilement pour que quelque chose démarre. Voilà, en gros, j'ai fini mes notes. C'était vite. Peut-être pour ajouter à ce que vient de dire Marina quelques points sur la question du travail. On en a parlé dans les différentes rencontres que j'ai pu avoir avec des Gilets jaunes. Moi-même, depuis le début de ce mouvement, je porte un gilet jaune et je suis très content de le porter parce que le fait de le porter, ça permet une réelle sociabilité avec d'autres gens et ça a facilité en tout cas beaucoup au départ les échanges. Et en plus de ça, personnellement, je me sentais concerné par les injustices qui ont fait descendre les gens dans la rue. Sur la question du travail, évidemment, on a constaté l'extrême difficulté qu'il y avait dans les entreprises avec les nouveaux modes de management de l'entreprise à se mettre en grève. Et lorsqu'on entend parler, par exemple, de cette idée de convergence des luttes, qui est une idée très répandue et très commune et que tout le monde appelle de ses voeux, elle est difficilement réalisable dans un mouvement social tel que celui-là. Parce que, au fond, on a l'impression qu'il s'agit davantage, non pas d'une convergence des luttes à partir du lieu de travail proprement dit, mais de convergence d'individus, de convergence individuelle, de gens qui retrouvent une sociabilité et une visibilité. Et la question du travail, en plus, est extrêmement délicate et tellement vaste à entreprendre. Donc je vais terminer là, mais bon, voilà, on a aussi parlé de cela. Alors, juste avant d'attaquer pile le travail, il nous a fallu faire le grand écart entre le premier sujet, les élections, et le travail. C'était pas évident. Et je crois que ça s'est venu formidablement bien. Parce qu'on a, dans un premier temps, lié la question du temps hors travail pour le travail politique. Hein, je crois que c'est comme ça qu'on a fait le... Et du coup, on est allé très vite sur il faut un peu moins bosser dans la semaine pour avoir le temps de s'occuper de politique et que les gens qui n'ont pas l'habitude de s'en occuper aient ce temps-là. Et je crois que c'est très précieux. Voilà. Donc, pour rigoler ou pas pour rigoler, on s'est dit 28 heures de travail par semaine, pourquoi pas ? Même moins. Bon, premier point sur le travail. Deuxième point. Donc, le travail lié à ce qu'on peut aussi faire comme différence entre le travail et l'emploi. L'emploi étant le moyen de vivre. Et le travail pose la question qui a été posée tout à l'heure, c'est-à-dire quelle utilité et quelle utilité sociale et quel regard on a sur notre travail. Bon, voilà. Donc, on s'est dit que ça serait intéressant de faire peut-être la liste du travail utile et social réel par rapport aux postes de travail et aux emplois qui existent en France. Notamment, par exemple, l'exemple a été donné, on dégage tout ce qui est autour de la publicité, par exemple. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah oui, après une grosse question qui a donné beaucoup de débats, c'est sur les travaux dits de pénibilité. Et il y a eu une demi-suggestion, peut-être pas Macron, mais peut-être des DRH sur les bennes à ordures. Qu'est-ce que vous en pensez ? En gros, qu'il faudrait redonner de la valeur à des travaux qui sont pénibles et précaires, comme justement le ramassage des ordures, et qu'ils soient autant payés que le travail d'un ministre ou d'un docteur, et qu'il n'y a aucune raison que des travaux qui sont dangereux et qui sont nuisibles à la santé soient payés à un SMIC, quoi. Voilà, c'est ça qui s'est dit. Pour que ce soit des travaux qui soient revalorisés et voilà. Enfin bon. Donc, dans l'autre groupe, avec Marinette, on a exactement dit la même chose. Donc, c'est intéressant de souligner qu'en fait, il faudrait quasiment inverser la valeur par rapport au système actuel. Et que, voilà, ce serait voilà. Je peux juste réagir une seconde sur la question du sens du travail, toujours pour rééclairer sur 48. Il y a quelque chose qui est insupportable en 48 pour les ouvriers des ateliers nationaux, c'est que quand ils ont demandé le droit au travail, ce qu'ils voulaient dire, c'est vivre en travaillant, en faisant leur métier qu'ils savaient faire et qui pour eux avait du sens. Et ce que font les ateliers nationaux, c'est de les faire travailler à des terrassements, du travail juste de terrassement, où des fois on leur fait creuser un trou, etc. Et le lendemain, on leur demande de reboucher le trou. C'est-à-dire que l'idée, c'est ben, puisque vous êtes payés et vous devriez déjà être bien content de l'être, on vous fait faire des travaux absolument inutiles. Et ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps dans les pétitions et dans les textes d'ouvriers au chômage qui deviennent donc des ouvriers des ateliers nationaux. C'est vous ne comprenez pas ce qu'on entend quand on veut dire la dignité au travail. La dignité au travail, c'est faire ce qu'on sait faire et il y a du sens. C'est pas juste d'être occupé pour être payé. Ça pose un problème aujourd'hui quand même important. C'est que si on considère qu'il y a énormément d'emplois qui n'ont pas de sens et qu'on fait juste simplement parce que il faut bien travailler, c'est peut-être, moi j'aime beaucoup cette idée, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de travail ? C'est peut-être aussi qu'on n'aime pas, que des gens n'aiment pas ce qu'ils font au travail. Et ça, c'est peut-être un truc qui fait une vraie différence avec 48, où c'est des ouvriers de métier, c'est pas pour faire de dire c'était mieux avant, etc., mais c'est des ouvriers de métier qui ont un rapport au travail qui est au fond beaucoup plus positif et qui ressentent une indignité extrêmement forte, et c'est une des causes de la mobilisation quand on essaye de transformer leur travail utile en un travail que eux jugent inutile et sans sens.